Voici votre bulletin régional. Il y aura Assemblée générale extraordinaire des jardins, regroupement des jardins le 15 juin à 19h à la salle des Chevaliers de Colomb de Istingus.